long time, on criera injustice. Long time, on criera injustice. On criera injustice. Long time, on criera injustice. Pour la famille Traoré, je suis Adama. Pour la famille Traoré. Les faits divers, même les télés qui nous filmaient hier nous ont bernés. Ce soir c'est nos quartiers qui parlent. Ce soir pour moi j'ai le cœur qui chiale. Des fois je me dis où va ce monde. C'est dur de marcher droit sur un chemin rond. Et t'inquiète pas mon frère, s'il y a pas de justice, bah y'aura pas de paix. One love pour la famille Traoré, une peace pour Adama Traoré. One love pour la famille Traoré, une peace pour Traoré. J'emmerde vos forces spéciales, votre privé, vos ségrégations raciales. En fait, nous on demande justice, ils disent qu'il est infecté du style. C'est comme si nous on savait pas qu'on connaissait mieux que eux Adama. Mais arrêtez de nous berner, oui, arrêtez de nous berner. Je comprends pas pourquoi ils l'ont battu à mort. Ou bien encore pourquoi ils ont caché le corps. Alors dites-moi comment faire. Quand la maman pleure devant les frères. Quand les gendarmes ne veulent rien entendre. Ou quand le corps ils ne veulent pas rendre. Alors on casse, on casse, on brûle, on brûle. On veut se montrer, faire du bruit, braquer les rues. Si la colère m'envahit, c'est parce que les flics nous ont trahis. Ils ont pris la vie à ton anniversaire. Ils ont pris le fils d'une mère et d'un père. Il était innocent, il s'est fait péter au mauvais moment. Peut-être qu'on n'est pas éduqué chez vous. Peut-être qu'on n'est pas éduqué chez vous. Ils ont voulu cacher nos morts, ils ont voulu cacher son corps. Peut-être qu'on n'est pas éduqué chez vous. Peut-être qu'on n'est pas éduqué chez vous. Ils ont voulu cacher nos morts, ils ont voulu cacher son corps. Peut-être qu'on n'est pas éduqué chez vous. Peut-être qu'on n'est pas éduqué chez vous. Long time, on criera injustice. Long time, on criera injustice. On criera injustice. De ces grosses qui disaient à ma mère quand j'étais petit combien j'étais mignon et tout ça. Ben sache qu'aujourd'hui, celle-là, même qui me tire et se porte dedans, je vote pour l'autre enculé. Elles changent leur sac de côté trottoir en me voyant arriver. Pourtant, j'ai pas trop changé. Je dirais même pour mon âge, je suis plutôt tranquille comme mec. Ceux qui me connaissent le savent, je suis presque sage. Dites-moi pourquoi alors, dans chaque regard, je me vois suspect d'un potentiel carnage. La rage, leur faut pas plus pour qu'elles naissent et grandissent. Arrosé de contrôle de nuit dans leur poste de police. Pour rien, on me fouille, on me palpe, on me teste. Et c'est même m'interdire d'entrer dans des grandes surfaces. Pour toutes sortes de prétextes, on dit que le mercredi soit mon pote reste devant la porte. Ou bien on rentre pas m'aider sa mère. Comment veux-tu que je ne m'emporte pas, je m'emporte. Voilà, on va encore me placer l'incivilité. De manque de respect là autour de ce con. Pas l'agressivité, j'ai esquivé. Mais c'est pas toujours facile, crois-moi. Nombreux se laissent vivre et finissent au commissariat. Là, une bande de poivrons insultards. Dans le meilleur des cas, dans le pire te laisse sur le carreau. Je verse une larme pour cela. La suite, on la connaît, elle transpire sur nos écrans de télé. Les larmes de nos mères, la front, encore la front du sang au JT. Mec, s'te plaît, comprends ce que je dis. Comprendras peut-être pourquoi je peux pas supporter que des fils de pute fassent du fric sur ça. Ouais, pourquoi on rappe? Pourquoi on est tous plus ou moins parano? Pourquoi des vies sont sont gâchés par des regards de trop. Pourquoi on calcule personne, à part les nôtres, on se fout du reste. Pourquoi j'écris? Pourquoi cette violence dans nos textes? Pourquoi la vingtaine passée, on est déjà fatigué de vivre? La tête pleine d'histoires de dingue, prête à exploser. Pourquoi l'avenir? Rien d'y penser, j'en suis excédé. Pourquoi ce petit sourire quand on apprend qu'un flic s'est suicidé? Eh, hey, entends-moi bien, cette rage on n'est pas né avec. Personne qui est né avec ici. C'est ton système de merde qui nous impose ça. Chaque jour depuis l'enfance, chaque jour on vit ça, chaque jour. Comprends pourquoi dans nos quartiers nombreux on perdu l'esprit, perdu la vie. Comprends pourquoi c'est pas la même espérance de vie, les mêmes chances de vivre décemment, les mêmes délires. Comprends pourquoi il vaut mieux que tu t'adresses à nous gentiment. Pourquoi nos cœurs ne font plus sourire nos pères. Pourquoi nos mères pleurent dans le noir d'avoir leur fils dehors. Pourquoi on se fout de tout. Toi, ta France, ta République, qu'ils aillent niquer leur mère. Je suis pas ton République, qu'ils aillent niquer leur mère. J'ai rien à voir avec votre système de merde. Celui qui exploite mes parents, celui qui transforme des bébés en bêtes sauvages. Celui qui enferme mes potes, celui qui tue mes potes. Celui qui fout des familles à la rue, pendant que les autres s'en piffent. Les bourgeois ils s'en piffent, mais nous on crève. Ils se plaignent de la violence. Eh, c'est qui la vit la violence? C'est toi, hein? C'est nous qui la subissons en premier. Tu crois que ça nous plaît de vivre comme des chiens, hein? Tu crois que ça nous plaît ça? Putain de merde. Pour un contrôle d'identité, ils sont morts. Dans tout ça, la police, ils disent qu'ils ont pas coursé, qu'ils leur ont pas couru après. Je les connais, ils sont pas cons, ils vont pas s'amuser à sauter dans. À sauter dans la mort. Bonsoir Eric Raoult. Bonsoir. Justice en banlieue. Dédicace MIP, Fadel, bouge qui bouge. Et tous ceux qui luttent, disent tu peux être assassin. Justice en banlieue. À la barre, tous ceux qui nous gouvernent de travers en haut lieu. Les valeurs que prônent les voleurs, toutes les promesses des menteurs. Les usurpateurs sur leur trône illégal. Police nationale, au service des intérêts des chiens du système. Quand leur haine interpelle les miens, le ghetto ne se révolte jamais pour rien. Quand on assassine un vaurien, là-bas les partis jamais ne revient. BAC, bavure, autorité, censure. Ils ont écrit leur vice dans la mémoire des fils de Damary Lélis. Que vaut la vie dans les commissariats, ils ont pris de la torture entre les murs, de l'insanité, de leur insigne, des poussières et quelques crimes. MIP légitime, pas de justice, pas de paix. Si j'essaye de nourrir cette rime, parce qu'en France, le glaive, la balance penche du côté des plus blancs, les autres les plus bronzés, les accusés du banc. Justice en banlieue, justice en banlieue, hurle donc quelques mots sérieux. Justice en banlieue. Dans la banlieue on réprime, état de siège, carcérès, contrôler la forteresse, comme un village dans les Aurès, décolonisation vengeresse. Si tu crois que la matraque a des faiblesses et que ta souffrance les intéresse, quand les parents se taisent, il est temps que les fils s'élèvent par la force des mots. Le nombre est la force du ghetto par millions. Fils du béton, des punitions à l'unité, des vraies raisons de militer, avenir, études, emploi, plus de chances de trouver une voie. Souhaite-le pour les frères de la misère avant qu'ils ne s'en. Quand l'uniforme bleu pisse sur les itinéraires, quand l'annuaire tempère les coups des racistes les plus téméraires. Rares sont ceux qui luttent vraiment, rares sont ceux qu'on écoute, même si la vérité sort souvent de l'égout. Sur des faux airs de Marseillaise, au-dessus des cités de Brest, hurle donc quelques mots sérieux. Justice en banlieue. Justice en banlieue. Justice en banlieue. Hurle donc quelques mots sérieux. Justice en banlieue. Justice en banlieue. Justice en banlieue. Hurle donc quelques mots sérieux. Justice en banlieue. Parce qu'ils attendent que ça crame pour soulager leur conscience. La vision qu'on nous donne n'est que triste mensonge. La police nationale de nos jours tabasse gratuitement. Entrevoir l'uniforme qu'on ose appeler gardien de paix. L'ascenseur social en panne, l'escalier on n'a pas accès. Un frère victime d'une bavure et la police relaxée. Moi et le droit de l'homme, quand la matraque te caresse. Ils ont ôté nos dignités en mettant à poil en garde à vue. Quand leur bouche discrète discrimine et que le sang coule gratuit. Un coup de peinture dans nos murs et nous murmure d'oublier 14 ans de martyr que l'indigène roupillé. Ma musique est un crime qui vient vraiment de l'intérieur, n'ayant pas le choix. Nos mères travaillent pour pas cher, avant de prier on se lave. Sarko venu passer au carcher, pas de justice, pas de paix, pas de boulot, pas de blé. Venu chanter la mémoire des miens qu'on a tant accablé. Justice en banlieue, justice en banlieue, hurle donc quelques mots sérieux. Justice en banlieue, justice en banlieue, justice en banlieue. Après, les choses seront peut-être différentes, alors pire. Fréquence Paris Pluriel, 106.3 ou en streaming sur rfpp.net. Radio associative composée de militants bénévoles qui proposent des programmes musicaux, culturels, sociaux et politiques pluriels. La voix des sans-voix. Made in. Don't panic. Muslim, je le suis every day. Écoute ma chronique d'une république effritée. Boulet rien de ta barbe, dis-leur don't panic. Musulmane de ton voile, dis-leur don't panic. Banlieusard de ta ville, dis-leur don't panic. Mon slogan, ma devise, c'est le don't panic. Prolétaire de ta classe, dis-leur don't panic. Africain de ta peau, dis-leur don't panic. Musulman de ta foi, dis-leur don't panic. Mon slogan, ma devise, c'est le don't panic. Vêtement, le monde est plein d'entêtements. Les entêtes de la presse font des têtes d'enterrement. Mes couplets viennent en faire taire tellement. Je suis un religieux avec le sens de l'entertainement. Aucun autre axe dans mes chronopostes. Y croire c'est comparer les motocrottes et les motocross. Mon dynamisme est un bâton de dynamite, effrayant la ménagère et le jeune cadre dynamique. Don't panic, j'arrive pour formuler nos intentions. On n'incite pas nos sœurs à être candidates à l'excision. Nous aussi on souhaite émanciper la femme, mais on ne réglera pas le problème en relouquant les Afghans. Travail égal si je te paye inégal. Pour femmes, c'est tout de même pas une philosophie musulmane ce drame. Parce que silencieux sont leurs marches. Pour respecter nos sœurs, on n'attendra pas le 8 mars, non. Hypocrisie d'une société patriarcale qui transforme l'injustice en patriote acte. Libertine, laïcité, liberticide qui violent nos droits civiques sans préservatif. Boulet rien de ta barbe, dis-leur don't panic. Musulmane de ton voile, dis-leur don't panic. Banlieusard de ta ville, dis-leur don't panic. Mon slogan, ma devise, c'est le don't panic. Prolétaire de ta classe, dis-leur don't panic. Africain de ta peau, dis-leur don't panic. Musulman de ta foi, dis-leur don't panic. Mon slogan, ma devise, c'est le don't panic. Bêtement, le monde est plein d'entêtements. Les entêtes de la presse font des têtes d'enterrement. Mais mes couplets viennent en faire taire tellement. Je suis un banlieusard avec le sens de l'entertainement. Le taf nous fuit comme Richard Kimble. Recalé, même avec un curriculum bankable. Branquignol, qui ne traîne qu'en banque comme à Gaza. Et qui aurait des atomes crochus avec Abu Hamza. Qui a un pied dans les manifs, un pied chez les casseurs, un pied chez les sportifs, un pied chez les dealers. Un pied dans les mosquées, un pied dans les tournantes. Un pied dans le bourbier, l'autre dans la tourmente. Un pied sous le minibar, l'autre sur le minibar. Un pied chez les barbares, l'autre chez les bulbares. Un pied dans les cache-bras, un pied dans les garbas. Un pied dans les gardaves et l'autre vers la Kaaba. Un pied dans les émeutes, un pied chez les omars. Un pied chez les gens neutres, l'autre chez les jobards. Un pied chez les imams, un pied chez les zidames. Un pied chez les arabes et l'autre chez les tziganes. C'est tout ce que la France pense de nous. Du 76 respecté aux 80 se doucrouille. Dans leurs insultes si je rédige une liste, j'aurais de quoi me venger comme Mesrine envers les journalistes. Boulet rien de ta barbe, dis-leur don't panic. Musulmane de ton voile, dis-leur don't panic. Banlieusard de ta ville, dis-leur don't panic. Mon slogan, ma devise, c'est le don't panic. Prolétaire de ta classe, dis-leur don't panic. Africain de ta peau, dis-leur don't panic. Musulman de ta foi, dis-leur don't panic. Mon slogan, ma devise, c'est le don't panic. Don't panic, voici mon slogan. Sortez les cuirasses et renfilez les gants. Tous les jours, au centre de la cible. Car tous les jours, je suis musulim. Every day I'm listening.

pêche en pétard. Et c'est même pas des histoires de weed. Le message est simple, il faut qu'on les fornique. Spoutnik style, méga s'envoie en orbite. Si je crève dans un virage, fais en sorte qu'on m'oublie. Mais faut que personne, il faut que personne, il faut que personne ne cesse de dire que. Ouais, faut que personne ne cesse de dire que. Personne ne cesse de dire que. On n'écoute pas les bruits qui courent. On va les rattraper, puis les dépasser. Même à pied, tu sais qu'on part au quart de tour. Comme si on se faisait courser par les mecs de la marée chaussée. Fort nique la marée chaussée. Fort nique la marée chaussée. Ouais. Fort nique la marée chaussée. Fort nique la marée chaussée. Ouais. Fort nique la marée chaussée. Fort nique la marée chaussée. Ouais. Fort nique la marée chaussée. Fort nique la marée chaussée. Ouais. On veut tous s'en sortir. Devant le jugement, savoir mentir. Sans trahir chez nous, trop de faire, n'ont pas le temps de grandir. C'est de pire en pire, la rue mon empire. Ouah, tu sais, on veut tous s'en sortir. Alors faut penser à tous s'unir. Car aujourd'hui, le système pense qu'à nous punir. Pour du spire, dire que ça tire. Pour dire, son flingue est devenu banal dans la jungle. Délinquant, même dans le sang, j'ai fait mes classes au poulailler. Casser les dents, dents pour dents, j'ai failli dérailler. Je préfère brailler, cracher ma haine dans un mic. Rester à cahier dans un hall crack blindé de Nike. Je veux faire de la maillée que des gros sacs de bif. Remplir mon cahier pour mes soldats et ma mif. Moi je pense à tailler, la France c'est pas mon kiff. Trop de fachos au mètre carré qui j'en font pas de diff. Pas à moi, bande d'hypocrites. Entre un clandon et un criminel, ils font pas de diff. Actif, je mets toutes mes forces dans la musique. Mauvais angle pour la vie, je te l'ai dit, perds ma clique. Ouh, le compte à rebours a débuté. Les premiers seront les derniers à écouter. Bref, y'a plus de place pour les doutes. Trop de place car nous écoutons, faut pas se louper sur la route. On veut tous s'en sortir, devant le jugement, ça va mentir. Sans trahir chez nous, trop de faire, n'ont pas le temps de grandir. C'est de pire en pire, la rue mon empire. Ouais, tu sais, on veut tous s'en sortir. Alors faut penser à tous s'unir. Car aujourd'hui, le système pense qu'à nous punir. Pour du spire, dire que ça tire. Pour dire, sous ça qui te fout pas la okay, dans la chair. Moi je pose Hélène à tous mes frères, aux frères. Me refrain qu'avait pas le choix que d'être des gangsters à la tête. Te blesse, c'est pour ton argent. Te blesse, c'est pour ton argent. On a des risques, puisqu'à l'époque, Jacques Mesrine vendait pas de 10. Maintenant, comprends-nous, on est toujours entre nous. Et t'es dans la merde si t'es contre nous. Pourtant, on est tous les mêmes, ouais. Alors va comprendre pourquoi personne d'entre nous les armes va le rendre. Tout de même, on abuse de la musique, s'amuse sans trop y abuser. Personne veut louper plus, plutôt personne veut louper la fusée. Des délinquants, tous illicites, illégales. Et ça, son rôle, c'est pour le pont, c'est vrai, les rôles qui ont les mauvais. La rue nous inspire, je te jure, elle nous a construit. J'ai rien à t'apprendre, car c'est la rue qui nous a instruit. Chez moi, rares sont ceux qui ont le bac. Ou de la bague à la porte, ou des disques dans les bacs. On veut tous s'en sortir, devant le juge, va savoir mentir. Sans trahir chez nous, trop de faire, n'ont pas le temps de grandir. C'est de pire en pire, la rue mon empire. Ouais, tu sais, on veut tous s'en sortir. Alors faut penser à tous s'unir. Car aujourd'hui, le système pense qu'à nous punir. Pour du spire, dire que ça tire. Pour dire, c'est ça qui te fout pas là dans la jungle. Paix à mes frères incarcérés. S'il y avait pas de balance, paix se ferait serrer. On fait coup sur coup, à croire qu'on est tous tarés. On a besoin de faire ce tout pour redémarrer en vrai. Dans le ghetto français, des petits adieux leur disent avant que la hit la cesse. Chez nous y'a trop d'essais, et Dieu seul sait si un jour dans notre ici on sortira de l'excès. Mais c'est Dieu en fait l'an, en volontique l'an, kick-kick-man. On fait en sorte de pouvoir jetement, subtilement. Y'a trop de temps, plus de temps, à plus de temps. Il s'agit de sortir de la merde, non, tu comprends. Faut qu'on prenne le frigo, on cherche le manteau. Alors on charge les tailles du bateau, on veut notre part du gâteau. Gringo, ici y'a pas de ring-dior, tout canne-dior.